Chapitre 4. Antoine Macquart revint à Plassans après la chute de Napoléon. Il avait eu l'incroyable chance de ne faire aucune des dernières et meurtrières campagnes de l'Empire. Il s'était traîné de dépôt en dépôt, sans que rien le tirât de sa vie hébétée de soldat. Cette vie acheva de développer ses vices naturels. Sa paresse devint raisonnée. Son ivrognerie, qui lui valut un nombre incalculable de punitions, fut dès lors à ses yeux une religion véritable. Mais ce qui fit surtout de lui le pire des garnements, ce fut le beau dédain qu'il contracta pour les pauvres diables qui gagnaient le matin l'arpin du soir. « J'ai de l'argent au pays, » disait-il souvent à ses camarades. « Quand j'aurai fait mon temps, je pourrai vivre bourgeois. » Cette croyance et son ignorance crasse l'empêchèrent d'arriver même au grade de caporal. Depuis son départ, il n'était pas venu passer un seul jour de congé à Plassans, son frère inventant mille prétextes pour l'en tenir éloigné. Aussi ignorait-il complètement la façon adroite dont Pierre s'était emparé de la fortune de leur mère. Adélaïde, dans l'indifférence profonde où elle vivait, ne lui écrivit pas trois fois pour lui dire simplement qu'elle se portait bien. Le silence qui accueillait le plus souvent ses nombreuses demandes d'argent ne lui donna aucun soupçon. La ladrerie de Pierre suffit pour lui expliquer la difficulté qu'il éprouvait à arracher, de loin en loin, une misérable pièce de 20 francs. Cela ne fit d'ailleurs qu'augmenter sa rancune contre son frère, qui le laissait se morfondre au service, malgré sa promesse formelle de le racheter. Il se jurait, en rentrant au logis, de ne plus obéir en petit garçon et de réclamer carrément sa part de fortune pour vivre à sa guise. Il rêva dans la diligence qui leur amenait une délicieuse existence de paresse. L'écroulement de ses châteaux en Espagne fut terrible. Quand il arriva dans le faubourg et qu'il ne reconnut plus l'enclos des Fouques, il resta stupide. Il lui fallut demander la nouvelle adresse de sa mère. Là, il y eut une scène épouvantable. Adélaïde lui apprit tranquillement la vente des biens. Il s'emporta, allant jusqu'à lever la main. La pauvre femme répétait « Ton frère a tout pris, il aura soin de toi, c'est convenu. » Il sortit enfin et courut chez Pierre, qui l'avait prévenu de son retour et qui s'était préparé à le recevoir de façon à en finir avec lui au premier mot grossier. « Écoutez, lui dit le marchand d'huile qui affecta de ne plus le tutoyer, ne m'échauffez pas la bile ou je vous jette à la porte. Après tout, je ne vous connais pas. Nous ne portons pas le même nom. C'est déjà bien assez malheureux pour moi que ma mère se soit mal conduite sans que ces bâtards viennent ici m'injurier. J'étais bien disposé pour vous, mais puisque vous êtes insolent, je ne ferai rien, absolument rien. » Antoine faillit étrangler de colère. « Et mon argent ? » cria-t-il. « Me le rendras-tu, voleur ? Ou faudra-t-il que je te traîne devant les tribunaux ?» Pierre haussait les épaules. « Je n'ai pas d'argent à vous, » répondit-il de plus en plus calme. « Ma mère a disposé de sa fortune comme elle l'a entendu. Ce n'est pas moi qui irai mettre le nez dans ses affaires. J'ai renoncé volontiers à toute espérance d'héritage. Je suis à l'abri de vos sales accusations. » Et comme son frère bégayait, exaspéré par ce sang-froid et ne sachant plus que croire, il lui mit sous les yeux le reçu qu'Adélaïde avait signé. La lecture de cette pièce acheva d'accabler Antoine. « C'est bien, » dit-il d'une voix presque calmée. « Je sais ce qu'il me reste à faire. » La vérité était qu'il ne savait quelle partie prendre. Son impuissance à trouver un moyen immédiat d'avoir sa part et de se venger activait encore sa fièvre furieuse. Il revint chez sa mère, il lui fit subir un interrogatoire honteux. La malheureuse femme ne pouvait que le renvoyer chez Pierre. « Est-ce que vous croyez, » s'écria-t-il insolemment, « que vous allez me faire aller comme une navette? Je saurai bien qui de vous deux a le magot. Tu l'as peut-être déjà croqué, toi. » Et faisant allusion à son ancienne inconduite, Il lui demanda si elle n'avait pas quelques canailles d'hommes auxquels elle donnait ses derniers sous. Il n'épargna même pas son père, cet ivrogne de Macquart, disait-il, qui devait l'avoir grugé jusqu'à sa mort et qui laissait ses enfants sur la paille. La pauvre femme écoutait d'un air hébété. De grosses larmes coulaient sur ses joues. Elle se défendit avec une terreur d'enfant, répondant aux questions de son fils comme à celles d'un juge, jurant qu'elle se conduisait bien, et répétant toujours avec insistance qu'elle n'avait pas eu un sou, que Pierre avait tout pris. Antoine finit presque par la croire. « Ah, quel gueux ! » murmura-t-il. « C'est pour cela qu'il ne me rachetait pas. » Il dut coucher chez sa mère, sur une paillasse jetée dans un coin. Il était revenu les poches absolument vides. Ce qui l'exaspérait, c'était surtout de se sentir sans aucune ressource, sans feu ni lieu, abandonné comme un chien sur le pavé, tandis que son frère, selon lui, faisait de belles affaires, mangeait et dormait grassement. N'ayant pas de quoi acheter des vêtements, il sortit le lendemain avec son pantalon et son képi d'ordonnance. Il eut la chance de trouver, au fond d'une armoire, une vieille veste de velours jaunâtre, usée et rapiécée, qui avait appartenu à Macquart. Ce fut dans ce singulier accoutrement qu'il courut la ville, contant son histoire et demandant justice. Les gens qu'il alla consulter le reçurent avec un mépris qui lui fit verser des larmes de rage. En province, on est implacable pour les familles déchues. Selon l'opinion commune, les Rougon-Macquart chassaient de race en se dévorant entre eux. La galerie, au lieu de les séparer, les aurait plutôt excités à se mordre. Pierre, d'ailleurs, commençait à se laver de sa tache originelle. On rit de sa friponnerie. Des personnes allèrent jusqu'à dire qu'il avait bien fait, s'il s'était réellement emparé de l'argent, et que cela serait une bonne leçon pour les personnes débauchées de la ville. Antoine rentra découragé. Un avoué lui avait conseillé, avec des mines dégoûtées, de laver son linge sale en famille, après s'être habilement informé s'il possédait la somme nécessaire pour soutenir un procès. Selon cet homme, l'affaire paraissait bien embrouillée. Les débats seraient très longs et le succès était douteux. D'ailleurs, il fallait de l'argent, beaucoup d'argent. Ce soir-là, Antoine fut encore plus dur pour sa mère. Ne sachant sur qui se venger, il reprit ses accusations de la veille. Il tint la malheureuse jusqu'à minuit, toute frissonnante de honte et d'épouvante. Adélaïde, lui ayant appris que Pierre lui servait une pension, il devint certain pour lui que son frère avait empoché les 50 000 francs. Mais dans son irritation, il feignit de douter encore, par un raffinement de méchanceté qui le soulageait. Et il ne cessait de l'interroger d'un air soupçonneux, en paraissant continuer à croire qu'elle avait mangé sa fortune avec des amants. « Voyons, mon père n'a pas été le seul, » dit-il enfin avec grossièreté. À ce dernier coup, elle alla se jeter, chancelante, sur un vieux coffre, où elle resta toute la nuit à sangloter. Antoine comprit bientôt qu'il ne pouvait, seul et sans ressources, mener à bien une campagne contre son frère. Il essaya d'abord d'intéresser Adélaïde à sa cause. Une accusation portée par elle devait avoir de graves conséquences. Mais la pauvre femme, si molle et si endormie, dès les premiers mots d'Antoine, refusa avec énergie d'inquiéter son fils aîné. « Je suis une malheureuse, » balbutiait-elle. « Tu as raison de te mettre en colère. Mais vois-tu, ce serait trop de remords si je faisais conduire un de mes enfants en prison. Non, j'aime mieux que tu me battes. » Il sentit qu'il n'en tirerait que des larmes, et il se contenta d'ajouter qu'elle était justement punie et qu'il n'avait aucune pitié d'elle. Le soir, Adélaïde, secouée par les querelles successives que lui cherchait son fils, eut une de ces crises nerveuses qui la tenait roidie, les yeux ouverts, comme morte. Le jeune homme la jeta sur son lit. Puis, sans même la délasser, il se mit à fureter dans la maison, cherchant si la malheureuse n'avait pas des économies cachées quelque part. Il trouva une 40aine de francs. Il s'en empara, et tandis que sa mère restait là, rigide et sans souffle, il alla prendre tranquillement la diligence pour Marseille. Il venait de songer que Mouret, cet ouvrier chapelier qui avait épousé sa sœur Ursule, devait être indigné de la friponnerie de Pierre et qu'il voudrait sans doute défendre les intérêts de sa femme. Mais il ne trouva pas l'homme sur lequel il comptait. Mouret lui dit nettement qu'il s'était habitué à regarder Ursule comme une orpheline et qu'il ne voulait à aucun prix avoir des démêlés avec sa famille. Les affaires du ménage prospéraient. Antoine reçut très froidement, se hâta de reprendre la diligence. Mais avant de partir, il voulut se venger du secret mépris qu'il lisait dans les regards de l'ouvrier. Sa sœur lui ayant paru pâle et oppressée, il eut la cruauté sournoise de dire au mari en s'éloignant « Prenez garde, ma sœur a toujours été chétive, et je l'ai trouvée bien changée. Vous pourriez la perdre. » Les larmes qui montèrent aux yeux de Mouret lui prouvèrent qu'il avait mis le doigt sur une plaie vive. Ces ouvriers étalaient aussi par trop leur bonheur. Quand il fut revenu à Plassans, la certitude qu'il avait les mains liées rendit Antoine plus menaçant encore. Pendant un mois, on ne vit que lui dans la ville. Il courait les rues, contant son histoire à qui voulait l'entendre. Lorsqu'il avait réussi à se faire donner une pièce de 20 sous par sa mère, il allait la boire dans quelque cabaret, et là criait tout haut que son frère était une canaille qui aurait bientôt de ses nouvelles. En de pareils endroits, la douce fraternité qui règne entre ivrognes lui donnait un auditoire sympathique. Toute la crapule de la ville épousait sa querelle. C'était des invectives sans fin contre ce gueux de Rougon qui laissait sans pain un brave soldat, et la séance se terminait d'ordinaire par la condamnation générale de tous les riches. Antoine, par un raffinement de vengeance, continuait à se promener avec son képi, son pantalon d'ordonnance et sa vieille veste de velours jaune, bien que sa mère lui eût offert de lui acheter des vêtements plus convenables. Il affichait ses guenilles, les étalait le dimanche, en plein Courceau vert. Une de ses plus délicates jouissances fut de passer 10 fois par jour devant le magasin de Pierre. Il agrandissait les trous de la veste avec les doigts, il ralentissait le pas, se mettait parfois à causer devant la porte pour rester davantage dans la rue. Ces jours-là, il emmenait quelque ivrogne de ses amis qui lui servait de compère. Il lui racontait le vol des 50 000 francs, accompagnant son récit d'injures et de menaces, à voix haute, de façon à ce que toute la rue l'entendît, et que ses gros mots allassent à leur adresse jusqu'au fond de la boutique. « Il finira, disait Félicité désespérée, par venir mendier devant notre maison. » La vaniteuse petite femme souffrait horriblement de ce scandale. Il lui arriva même à cette époque de regretter en secret d'avoir épousé Rougon. Ce dernier avait aussi une famille par trop terrible. Elle lui donnait tout au monde pour qu'Antoine cessât de promener ses haillons. Mais Pierre, que la conduite de son frère affolait, ne voulait seulement pas qu'on prononçât son nom devant lui. Lorsque sa femme lui faisait entendre qu'il vaudrait peut-être mieux s'en débarrasser en donnant quelques sous, « Non, rien, pas un liard » criait-il avec fureur. « Qu'il crève !» Cependant, il finit, lui-même, par confesser que l'attitude d'Antoine devenait intolérable. Un jour, Félicité voulant en finir, appela cet homme, comme elle le nommait, en faisant une moue dédaigneuse. Cet homme était en train de la traiter de coquine au milieu de la rue, en compagnie d'un sien camarade encore plus déguenillé que lui. Tous deux étaient gris. « Viens donc, on nous appelle là-dedans, » dit Antoine à son compagnon, d'une voix goguenarde. Félicité recula en murmurant. « C'est à vous seul que nous désirons parler. »« Bah, » répondit le jeune homme, « le camarade est un bon enfant, il peut tout entendre, c'est mon témoin. » Le témoin s'assit lourdement sur une chaise. Il ne se découvrit pas et se mit à regarder autour de lui avec ce sourire hébété des ivrognes et des gens grossiers qui se sentent insolents. Félicité, honteuse, se plaça devant la porte de la boutique pour qu'on ne vît pas, du dehors, quelle singulière compagnie elle recevait. Heureusement que son mari arriva à son secours. Une violente querelle s'engagea entre lui et son frère. Ce dernier, dont la langue épaisse s'embarrassait dans les injures, répéta à plus de 20 reprises les mêmes griefs. Il finit même par se mettre à pleurer, et peu s'en fallut que son émotion ne gagnât son camarade. Pierre s'était défendu d'une façon très digne. « Voyons, dit-il enfin, vous êtes malheureux, et j'ai pitié de vous. Bien que vous m'ayez cruellement insulté, je n'oublie pas que nous avons la même mère. Mais si je vous donne quelque chose, sachez que je le fais par bonté et non par crainte. Voulez-vous 100 francs pour vous tirer d'affaire ?» Cette offre brusque de 100 francs éblouit le camarade d'Antoine. Il regarda ce dernier d'un air ravi qui signifiait clairement « Du moment que le bourgeois offre 100 francs, il n'y a plus de sottise à lui dire. » Mais Antoine entendait spéculer sur les bonnes dispositions de son frère. Il lui demanda s'il se moquait de lui. C'était sa part, 10 000 francs, qu'il exigeait. Tu as tort, bégayait son ami. Enfin, comme Pierre, impatienté, parlait de les jeter tous les deux à la porte, Antoine abaissa ses prétentions et d'un coup ne réclama plus que 1 000 francs. Ils se querellèrent encore un grand quart d'heure sur ce chiffre. Félicité intervint. On commençait à se rassembler devant la boutique. « Écoutez, dit-elle vivement, mon mari vous donnera 200 francs et moi je me charge de vous acheter un vêtement complet et de vous louer un logement pour une année. » Rougon se fâcha. Mais le camarade d'Antoine, enthousiasmé, cria « C'est dit, mon ami, accepte !» Et Antoine déclara, en effet, d'un air rechigné, qu'il acceptait. Il sentait qu'il n'obtiendrait pas davantage. Il fut convenu qu'on lui enverrait l'argent et le vêtement le lendemain, et que peu de jours après, dès que Félicité lui aurait trouvé un logement, il pourrait s'installer chez lui. En se retirant, l'ivrogne qui accompagnait le jeune homme fut aussi respectueux qu'il venait d'être insolent. Il salua plus de 10 fois la compagnie, d'un air humble et gauche, bégayant des remerciements vagues, comme si les dons de Rougon lui eussent été destinés. Une semaine plus tard, Antoine occupait une grande chambre du vieux quartier, dans laquelle Félicité, tenant plus que ses promesses, sur l'engagement formel du jeune homme de les laisser tranquilles désormais, avait fait mettre un lit, une table et des chaises. Adélaïde vit sans aucun regret partir son fils. Elle était condamnée à plus de 3 mois de pain et d'eau par le court séjour qu'il avait fait chez elle. Antoine eut vite bu et mangé les 200 francs. Il n'avait pas songé un instant à les mettre dans quelque petit commerce qui l'eût aidé à vivre. Quand il fut de nouveau sans le sou, n'ayant aucun métier, répugnant d'ailleurs à toute besogne suivie, il voulut puiser encore dans la bourse des Rougon. Mais les circonstances n'étaient plus les mêmes. Il ne réussit pas à les effrayer. Pierre profita même de cette occasion pour le jeter à la porte, en lui défendant de jamais remettre les pieds chez lui. Antoine eut beau reprendre ses accusations. La ville, qui connaissait la munificence de son frère, dont Félicité avait fait grand bruit, lui donna tort et le traita de fainéant. Cependant, la faim le pressait. Il menaça de se faire contrebandier comme son père et de commettre quelque mauvais coup qui déshonorerait sa famille. Les Rougon haussèrent les épaules. Il le savait trop lâche pour risquer sa peau. Enfin, plein d'une rage sourde contre ses proches et contre la société tout entière, Antoine se décida à chercher du travail. Il avait fait connaissance dans un cabaret du Faubourg d'un ouvrier vannier qui travaillait en chambre. Il lui offrit de l'aider. En peu de temps, il apprit à tresser des corbeilles et des paniers, ouvrage grossier à bas prix, mais d'une vente facile. Bientôt, il travailla pour son compte. Ce métier peu fatigant lui plaisait. Il restait maître de ses paresses, et c'était là surtout ce qu'il demandait. Il se mettait à la besogne lorsqu'il ne pouvait plus faire autrement, tressant à la hâte une 12aine de corbeilles qu'il allait vendre au marché. Tant que l'argent durait, il flânait, courant les marchands de vin, digérant au soleil. Puis, quand il avait jeûné pendant un jour, il reprenait ses brins d'osier avec de sourdes invectives, accusant les riches qui, eux, vivent sans rien faire. Le métier de vannier, ainsi entendu, est fort ingrat. Son travail n'aurait pu suffire à payer ses souleries s'il ne s'était arrangé de façon à se procurer de l'osier à bon compte. Comme il n'en achetait jamais à Plassans, il disait qu'il allait faire chaque mois sa provision dans une ville voisine où il prétendait qu'on le vendait meilleur marché. La vérité était qu'il se fournissait dans les oserais de la Viorne par les nuits sombres. Le garde champêtre l'y surprit même une fois, ce qui lui valut quelques jours de prison. Ce fut à partir de ce moment qu'il se posa dans la ville en républicain farouche. Il affirma qu'il fumait tranquillement sa pipe au bord de la rivière lorsque le garde champêtre l'avait arrêté. Et il ajoutait « Ils voudraient se débarrasser de moi parce qu'ils savent quelles sont mes opinions, mais je ne les crains pas, ces gueux de riches. » Cependant, au bout de 10 ans de fainéantise, Macquart trouva qu'il travaillait trop. Son continuel rêve était d'inventer une façon de bien vivre sans rien faire. Sa paresse ne se serait pas contentée de pain et d'eau comme celle de certains fainéants qui consentent à rester sur leur faim pourvu qu'ils puissent se croiser les bras. Lui, il voulait de bons repas et de belles journées d'oisiveté. Il parla un instant d'entrer comme domestique chez quelques nobles du quartier Saint-Marc. mais un palefrenier de ses amis lui fit peur en lui racontant les exigences de ses maîtres. Macquart, dégoûté de ses corbeilles, voyant venir le jour où il lui faudrait acheter l'osier nécessaire, allait se vendre comme remplaçant et reprendre la vie de soldat qu'il préférait mille fois celle d'ouvrier, lorsqu'il fit la connaissance d'une femme dont la rencontre modifia ses plans. Joséphine Gavaudan, que toute la ville connaissait sous le diminutif familier de Fine, était une grande et grosse gaillarde d'une trentaine d'années. Sa face carrée, d'une ampleur masculine, portait au menton et aux lèvres des poils rares mais terriblement longs. On la nommait comme une maîtresse-femme, capable à l'occasion de faire le coup de poing. Aussi ses larges épaules, ses bras énormes, imposaient-ils un merveilleux respect aux gamins qui n'osaient seulement pas sourire de ses moustaches. Avec cela, Fine avait une toute petite voix, une voix d'enfant, mince et claire. Ceux qui la fréquentaient affirmaient que malgré son air terrible, elle était d'une douceur de mouton. Très courageuse à la besogne, elle aurait pu mettre quelque argent de côté si elle n'avait aimé les liqueurs. Elle adorait la nisette. Souvent le dimanche soir, on était obligé de la rapporter chez elle. Toute la semaine, elle travaillait avec un entêtement de bête. Elle faisait 3 ou 4 métiers. Vendait des fruits ou des châtaignes bouillies à la halle, suivant la saison. S'occupait des ménages de quelques rentiers, allait laver la vaisselle chez les bourgeois les jours de gala et employait ses loisirs à rempailler les vieilles chaises. C'était surtout comme rempailleuse qu'elle était connue de la ville entière. On faisait dans le midi une grande consommation de chaises de paille qui y sont d'un usage commun. Antoine Macquart lia connaissance avec Fine à la halle. Quand il allait y vendre ses corbeilles l'hiver, il se mettait pour avoir chaud à côté du fourneau sur lequel elle faisait cuire ses châtaignes. Il fut émerveillé de son courage, lui que la moindre besogne épouvantait. Peu à peu, sous l'apparente rudesse de cette forte commère, il découvrit des timidités, des bontés secrètes. Souvent, il lui voyait donner des poignées de châtaignes aux marmots en guenille qui s'arrêtaient en extase devant sa marmite fumante. D'autres fois, comme l'inspecteur du marché la bousculait, elle pleurait presque, sans paraître avoir conscience de ses gros poings. Antoine finit par se dire que c'était la femme qu'il lui fallait. Elle travaillerait pour deux, et il ferait la loi au logis. Ce serait sa bête de somme, une bête infatigable et obéissante. Quant à son goût pour les liqueurs, il le trouvait tout naturel. Après avoir bien pesé les avantages d'une pareille union, il se déclara. Fine fut ravie. Jamais aucun homme n'avait osé s'attaquer à elle. On eut beau lui dire qu'Antoine était le pire des schnappants, elle ne se sentit pas le courage de se refuser au mariage que sa forte nature réclamait depuis longtemps. Le soir même des noces, le jeune homme vint habiter le logement de sa femme, rue Civadière, près de la halle. Ce logement, composé de 3 pièces, était beaucoup plus confortablement meublé que le sien, et ce fut avec un soupir de contentement qu'il s'allongea sur les 2 excellents matelas qui garnissaient le lit. Tout marcha bien pendant les premiers jours. Fine vaquait comme par le passé à ses besognes multiples. Antoine, pris d'une sorte d'amour-propre marital qui l'étonna lui-même, tressa en une semaine plus de corbeilles qu'il n'en avait jamais fait en un mois. Mais le dimanche, la guerre éclata. Il y avait à la maison une somme assez ronde que les époux entamèrent fortement. La nuit, ivres tous deux, ils se battirent comme plâtre, sans qu'il leur fût possible, le lendemain, de se souvenir comment la querelle avait commencé. Ils étaient restés fort tendres jusque vers les 10 heures. Puis Antoine s'était mis à cogner brutalement sur Fine, et Fine, exaspérée, oubliant sa douceur, avait rendu autant de coups de poing qu'elle recevait de gifles. Le lendemain, elle se remit bravement au travail, comme si de rien n'était. Mais son mari, avec une sourde rancune, se leva tard et alla le restant du jour fumer sa pipe au soleil. À partir de ce moment, les Macquart prirent le genre de vie qu'ils devaient continuer à mener. Il fut comme entendu tacitement entre eux que la femme suerait sang et eau pour entretenir le mari. Fine, qui aimait le travail par instinct, ne protesta pas. Elle était d'une patience angélique tant qu'elle n'avait pas bu, trouvant tout naturel que son homme fût paresseux et tâchant de lui éviter même les plus petites besognes. Son péché mignon, la nisette, la rendait non pas méchante, mais juste. Les soirs où elle s'était oubliée devant une bouteille de sa liqueur favorite, si Antoine lui cherchait querelle, elle tombait sur lui à bras raccourcis, en lui reprochant sa fainéantise et son ingratitude. Les voisins étaient habitués au tapage périodique qui éclatait dans la chambre des époux. Ils s'assommaient consciencieusement. La femme tapait en mer qui corrige son galopin, mais le mari, traître et haineux, calculait ses coups, et à plusieurs reprises, il faillit estropier la malheureuse. « Tu seras bien avancé quand tu m'auras cassé une jambe ou un bras, » lui disait-elle. « Qui te nourrira, fainéant ?» À part ces scènes de violence, Antoine commençait à trouver supportable son existence nouvelle. Il était bien vêtu, mangeait à sa faim, buvait à sa soif. Il avait complètement mis de côté la vannerie. Parfois, quand il s'ennuyait par trop, il se promettait de tresser pour le prochain marché une douzaine de corbeilles. Mais souvent, il ne terminait seulement pas la première. Il garda sous un canapé un paquet d'osiers qu'il n'usa pas en 20 ans. Les Macquart eurent 3 enfants, 2 filles et un garçon. Lisa, née la première en 1827, 1 an après le mariage, resta peu au logis. C'était une grosse et belle enfant, très saine, toute sanguine, qui ressemblait beaucoup à sa mère. Mais elle ne devait pas avoir son dévouement de bête de somme. Macquart avait mis en elle un besoin de bien-être très arrêté. Tout enfant, elle consentait à travailler une journée entière pour avoir un gâteau. Elle n'avait pas 7 ans qu'elle fut prise en amitié par la directrice des postes, une voisine. Celle-ci en fit une petite bonne. Lorsqu'elle perdit son mari en 1839 et qu'elle alla se retirer à Paris, elle emmena Lisa avec elle. Les parents la lui avaient comme donnée. La seconde fille, Gervaise, née l'année suivante, était bancale de naissance. Conçue dans l'ivresse, sans doute pendant une de ces nuits honteuses où les époux s'assommaient, elle avait la cuisse droite déviée et amaigrie, étrange reproduction héréditaire des brutalités que sa mère avait eu à endurer dans une heure de lutte et de soûlerie furieuse. Gervaise resta chétive, et Fine, la voyant toute pâle et toute faible, la mit au régime de la nisette, sous prétexte qu'elle avait besoin de prendre des forces. La pauvre créature se dessécha davantage. C'était une grande fille fluette, dont les robes toujours trop larges flottaient comme vides. Sur son corps émacié et contrefait, elle avait une délicieuse tête de poupée, une petite face ronde et blême d'une exquise délicatesse. Son infirmité était presque une grâce. Sa taille fléchissait doucement à chaque pas, dans une sorte de balancement cadencé. Le fils des Macquart, Jean, naquit 3 ans plus tard. Ce fut un fort gaillard qui ne rappela en rien les maigreurs de Gervaise. Il tenait de sa mère, comme la fille aînée, sans avoir sa ressemblance physique. Il apportait le premier chez les Rougon-Macquart, un visage aux traits réguliers et qui avait la froideur grasse d'une nature sérieuse et peu intelligente. Ce garçon grandit avec la volonté tenace de se créer un jour une position indépendante. Il fréquenta assidûment l'école et s'y cassa la tête qu'il avait fort dure pour y faire entrer un peu d'arithmétique et d'orthographe. Il se mit ensuite en apprentissage, en renouvelant les mêmes efforts, entêtement d'autant plus méritoire qu'il lui fallait un jour pour apprendre ce que d'autres savaient en une heure. Tant que les pauvres petits restèrent à la charge de la maison, Antoine grogna. C'était des bouches inutiles qui lui rognaient sa part. Il avait juré comme son frère de ne plus avoir d'enfants, ces mange-tout qui mettent leurs parents sur la paille. Il fallait l'entendre se désoler depuis qu'ils étaient 5 à table et que la mère donnait les meilleurs morceaux à Jean, à Lisa et à Gervaise. « C'est ça, grondait-il. Bourre-les, fais-les crever. » À chaque vêtement, à chaque paire de souliers que Fine leur achetait, il restait maussade pour plusieurs jours. Ah, s'il avait su, il n'aurait jamais eu cette marmaille qui le forçait à ne plus fumer que 4 sous de tabac par jour et qui ramenait par trop souvent, au dîner, des ragoûts de pommes de terre, un plat qu'il méprisait profondément. Plus tard, dès les premières pièces de 20 sous que Jean et Gervaise lui rapportèrent, il trouva que les enfants avaient du bon. Lisa n'était déjà plus là. Il se fit nourrir par les 2 qui restaient, sans le moindre scrupule, comme il se faisait déjà nourrir par leur mère. Ce fut de sa part une spéculation très arrêtée. Dès l'âge de 8 ans, la petite Gervaise alla casser des amandes chez un négociant voisin. Elle gagnait 10 sous par jour, que le père mettait royalement dans sa poche, sans que Fine elle-même osa demander où cet argent passait. Puis la jeune fille entra en apprentissage chez une blanchisseuse, et quand elle fut ouvrière et qu'elle toucha 2 francs par jour, les 2 francs s'égarèrent de la même façon entre les mains de Macquart. Jean, qui avait appris l'état de menuisier, était également dépouillé les jours de paye, lorsque Macquart parvenait à l'arrêter au passage avant qu'il eût remis son argent à sa mère. Si cet argent lui échappait, ce qui arrivait quelquefois, il était d'une terrible maussaderie. Pendant une semaine, il regardait ses enfants et sa femme d'un air furieux, leur cherchant querelle pour un rien, mais ayant encore la pudeur de ne pas avouer la cause de son irritation. À la paye suivante, il faisait le guet et disparaissait des journées entières dès qu'il avait réussi à escamoter le gain des petits. Gervaise, battue, élevée dans la rue avec les garçons du voisinage, devint grosse à l'âge de 14 ans. Le père de l'enfant n'avait pas 18 ans. C'était un ouvrier tanneur nommé Lantier. Macquart s'emporta, mais quand il sut que la mère de Lantier, qui était une brave femme, voulait bien prendre l'enfant avec elle, il se calma. Mais il garda Gervaise. Elle gagnait déjà 25 sous, et il évita de parler mariage. 4 ans plus tard, elle eut un second garçon, que la mère de Lantier réclama encore. Macquart, cette fois-là, ferma absolument les yeux, et comme Fine lui disait timidement qu'il ferait bon de faire une démarche auprès du tanneur pour régler une situation qui faisait clabauder, il déclara très carrément que sa fille ne le quitterait pas et qu'il la donnerait à son séducteur plus tard lorsqu'il serait digne d'elle et qu'il aurait de quoi acheter un mobilier. Cette époque fut le meilleur temps d'Antoine Macquart. Il s'habilla comme un bourgeois, avec des redingotes et des pantalons de drap fin. Soigneusement rasé, devenu presque gras, ce ne fut plus ce chenapan hâve et déguenillé qui courait les cabarets. Il fréquenta les cafés, lut les journaux, se promena sur le cours Sauvaire. Il jouait au monsieur tant qu'il avait de l'argent en poche. Les jours de misère, il restait chez lui, exaspéré d'être retenu dans son taudis et de ne pouvoir aller prendre sa demi-tasse. Ces jours-là, il accusait le genre humain tout entier de sa pauvreté. Il se rendait malade de colère et d'envie, au point que Fine, par pitié, lui donnait souvent la dernière pièce blanche de la maison pour qu'il pût passer sa soirée au café. Le cher homme était d'un égoïsme féroce. Gervaise apportait jusqu'à 60 francs par mois dans la maison. Elle mettait de minces robes d'indienne, tandis qu'il se commandait des gilets de satin noir chez un de ses bons tailleurs de Plassans. Jean, ce grand garçon qui gagnait de 3 à 4 francs par jour, était peut-être dévalisé avec plus d'impudence encore. Le café où son père restait des journées entières se trouvait justement en face de la boutique de son patron, et pendant qu'il manœuvrait le rabat ou la scie, il pouvait voir, de l'autre côté de la place, Monsieur Macquart, sucrant sa demi-tasse, en faisant un piquet avec quelques petits rentiers. C'était son argent que le vieux fainéant jouait. Lui n'allait jamais au café. Il n'avait pas les 5 sous nécessaires pour prendre un Gloria. Antoine le traitait en jeune fille, ne lui laissant pas un centime, et lui demandant compte de l'emploi exact de son temps. Si le malheureux, entraîné par des camarades, perdait une journée dans quelque partie de campagne au bord de la Viorne ou sur les pentes des Garrigues, son père s'emportait, levait la main, lui gardait longtemps rancune pour les 4 francs qu'il trouvait en moins à la fin de la quinzaine. Il tenait ainsi son fils dans un état de dépendance intéressée, allant parfois jusqu'à regarder comme siennes les maîtresses que le jeune menuisier courtisait. Il venait chez les Macquart plusieurs amis de Gervaise, des ouvrières de 16 à 18 ans, des filles hardies et rieuses, dont la puberté s'éveillait avec des ardeurs provocantes et qui, certains soirs, emplissaient la chambre de jeunesse et de gaieté. Le pauvre Jean, sevré de tout plaisir, retenu au logis par le manque d'argent, regardait ses filles avec des yeux luisants de convoitise. Mais la vie de petit garçon qu'on lui faisait mener lui donnait une timidité invincible. Il jouait avec les camarades de sa sœur, osant à peine les effleurer du bout des doigts. Macquart haussait les épaules de pitié. « Quel innocent » murmurait-il d'un air de supériorité ironique. Et c'était lui qui embrassait les jeunes filles sur le cou quand sa femme avait le dos tourné. Il poussa même les choses plus loin avec une petite blanchisseuse que Jean poursuivait plus vigoureusement que les autres. Il la lui vola un beau soir, presque entre les bras. Le vieux coquin se piquait de galanterie. Il est des hommes qui vivent d'une maîtresse. Antoine Macquart vivait ainsi de sa femme et de ses enfants, avec autant de honte et d'impudence. C'était sans la moindre vergogne qu'il pillait la maison et allait festoyer au dehors quand la maison était vide. Et il prenait encore une attitude d'homme supérieur. Il ne revenait du café que pour railler amèrement la misère qui l'attendait au logis. Il trouvait le dîner détestable. Il déclarait que Gervaise était une sotte et que Jean ne serait jamais un homme. Enfoncé dans ses jouissances égoïstes, il se frottait les mains quand il avait mangé le meilleur morceau. Puis il fumait sa pipe à petites bouffées, tandis que les deux pauvres enfants, brisés de fatigue, s'endormaient sur la table. Ses journées passaient, vides et heureuses. Il lui semblait tout naturel qu'on l'entretînt comme une fille, à vautrer ses paresses sur les banquettes d'un estaminet, à les promener aux heures fraîches sur le cours ou sur le mail. Il finit par raconter ses escapades amoureuses devant son fils, qui l'écoutait avec des yeux ardents d'affamé. Les enfants ne protestaient pas, accoutumés à voir leur mère l'humble servante de son mari. Fine, cette gaillarde qui leur recèdent d'importance quand ils étaient ivres tous deux, continuait à trembler devant lui lorsqu'elle avait son bon sens et le laissait régner en despotologie. Il lui volait la nuit les gros sous qu'elle gagnait au marché dans la journée, sans qu'elle se permît autre chose que des reproches voilés. Parfois, lorsqu'il avait mangé à l'avance l'argent de la semaine, il accusait cette malheureuse qui se tuait de travail d'être une pauvre tête, de ne pas savoir se tirer d'affaires. Fine, avec une douceur d'agneau, répondait de cette petite voix claire qui faisait un si singulier effet en sortant de ce grand corps qu'elle n'avait plus ses 20 ans et que l'argent devenait bien dur à gagner. Pour se consoler, elle achetait 1 litre d'anisette. Elle buvait le soir des petits verres avec sa fille, tandis qu'Antoine retournait au café. C'était là leur débauche. Jean allait se coucher. Les deux femmes restaient attablées, prêtant l'oreille, pour faire disparaître la bouteille et les petits verres au moindre bruit. Lorsque Macquart s'attardait, il arrivait qu'elle se saoulait ainsi, à légère dose, sans en avoir conscience. Les Bété, se regardant avec un sourire vague, cette mère et cette fille finissaient par balbutier. Des taches roses montaient aux joues de Gervaise, sa petite face de poupée, si délicate, se noyait dans un air de béatitude stupide, et rien n'était plus navrant que cette enfant chétive et blême, toute brûlante d'ivresse, ayant sur ses lèvres humides le rire idiot des ivrognes. Fine, tassée sur sa chaise, s'appesantissait. Elles oubliaient parfois de faire le guet, ou ne se sentaient plus la force d'enlever la bouteille et les verres quand elles entendaient les pas d'Antoine dans l'escalier. Ces jours-là, on s'assommait chez les Macquart. Il fallait que Jean se levât pour séparer son père et sa mère et pour aller coucher sa sœur, qui, sans lui, aurait dormi sur le carreau. Chaque partie a ses grotesques et ses infâmes. Antoine Macquart, rongé d'envie et de haine, rêvant des vengeances contre la société entière, accueillit la République comme une ère bienheureuse où il lui serait permis d'emplir ses poches dans la caisse du voisin et même d'étrangler le voisin s'il témoignait le moindre mécontentement. Sa vie de café, les articles de journaux qu'il avait lus sans les comprendre, avaient fait de lui un terrible bavard qui émettait en politique les théories les plus étranges du monde. Il faut avoir entendu en province, dans quelque estaminet, pérorer un de ces envieux qui ont mal digéré leur lecture, pour s'imaginer à quel degré de sottise méchante en était arrivé Macquart. Comme il parlait beaucoup, qu'il avait servi et qu'il passait naturellement pour être un homme d'énergie, il était très entouré, très écouté par les naïfs. Sans être un chef de parti, il avait su réunir autour de lui un petit groupe d'ouvriers qui prenaient ses fureurs jalouses pour des indignations honnêtes et convaincues. Dès février, il s'était dit que Plassans lui appartenait, et la façon goguenarde dont il regardait, en passant dans les rues, les petits détaillants qui se tenaient effarés sur le seuil de leur boutique, signifiait clairement « Notre jour est arrivé, mes agneaux, et nous allons vous faire danser une drôle de danse. » Il était devenu d'une insolence incroyable. Il jouait son rôle de conquérant et de despote, à ce point qu'il cessa de payer ses consommations au café et que le maître de l'établissement, un niais qui tremblait devant ses roulements d'yeux, n'osa jamais lui présenter sa note. Ce qu'il but de demi-tasse à cette époque fut incalculable. Il invitait parfois les amis, et pendant des heures, il criait que le peuple mourait de faim et que les riches devaient partager. Lui n'aurait pas donné un sou à un pauvre. Ce qui fit surtout de lui un républicain féroce, ce fut l'espérance de se venger enfin des Rougon, qui se rangeaient franchement du côté de la réaction. Ah, oh, quel triomphe s'il pouvait un jour tenir Pierre et Félicité à sa merci. Bien que ces derniers eussent fait d'assez mauvaises affaires, ils étaient devenus des bourgeois. Et lui, Macquart, était resté ouvrier. Cela l'exaspérait. Chose plus mortifiante peut-être, ils avaient un de leurs fils avocat, un autre médecin, le troisième employé, tandis que son Jean travaillait chez un menuisier et sa Gervaise chez une blanchisseuse. Quand il comparait les Macquart aux Rougon, il éprouvait encore une grande honte à voir sa femme vendre des châtaignes à la halle et rempailler le soir les vieilles chaises graisseuses du quartier. Cependant, Pierre était son frère. Il n'avait pas plus droit que lui à vivre grassement de ses rentes. Et d'ailleurs, c'était avec l'argent qu'il lui avait volé qu'il jouait au monsieur aujourd'hui. Dès qu'il entamait ce sujet, tout son être entrait en rage. Il clabaudait pendant des heures, répétant ses anciennes accusations à satiété, ne se lassant pas de dire « Si mon frère était où il devrait être, c'est moi qui serais rentier à cette heure. » Et quand on lui demandait où devrait être son frère, il répondait « Au bagne !» d'une voix terrible. Sa haine s'accrut encore lorsque les Rougon eurent groupé les conservateurs autour d'eux et qu'ils prirent à Plassans une certaine influence. Le fameux salon jaune devint, dans ses bavardages ineptes de café, une caverne de bandits, une réunion de scélérats qui juraient chaque soir sur des poignards d'égorger le peuple. Pour exciter contre Pierre les affamés, il alla jusqu'à faire courir le bruit que l'ancien marchand d'huile n'était pas aussi pauvre qu'il le disait, et qu'il cachait ses trésors par avarice et par crainte des voleurs. Sa tactique tendit ainsi à ameuter les pauvres gens en leur contant des histoires à dormir debout auxquelles il finissait souvent par croire lui-même. Il cachait assez mal ses rancunes personnelles et ses désirs de vengeance sous le voile du patriotisme le plus pur. Mais il se multipliait tellement, il avait une voix si tonnante que personne n'aurait alors osé douter de ses convictions. Au fond, tous les membres de cette famille avaient la même rage d'appétit brutaux. Félicité, qui comprenait que les opinions exaltées de Macquart n'étaient que des colères rentrées et des jalousies tournées à l'aigre, aurait désiré vivement l'acheter pour le faire taire. Malheureusement, l'argent lui manquait. Elle n'osait l'intéresser à la dangereuse partie que jouait son mari. Antoine leur causait le plus grand tort auprès des rentiers de la Villeneuve. Il suffisait qu'il fût leur parent. Granoux et Roudier leur reprochaient avec de continuels mépris d'avoir un pareil homme dans leur famille. Aussi Félicité se demandait-elle avec angoisse comment ils arriveraient à se laver de cette tâche. Il lui semblait monstrueux et indécent que M. Rougon eût un frère dont la femme vendait des châtaignes et qui lui-même vivait dans une oisiveté crapuleuse. Elle finit par trembler pour le succès de leur secrète menée, qu'Antoine compromettait comme à plaisir. Lorsqu'on lui rapportait les diatribes que cet homme déclamait en public contre le salon jaune, elle frissonnait en pensant qu'il était capable de s'acharner et de tuer leur espérance par le scandale. Antoine sentait à quel point son attitude devait consterner les Rougon. C'était uniquement pour les mettre à bout de patience qu'il affectait de jour en jour des convictions plus farouches. Au café, il appelait Pierre « mon frère », d'une voix qui faisait retourner tous les consommateurs. Dans la rue, s'il venait à rencontrer quelques réactionnaires du salon jaune, il murmurait de sourdes injures que le digne bourgeois, confondu de tant d'audace, répétait le soir aux Rougon, en paraissant les rendre responsables de la mauvaise rencontre qu'il avait faite. Un jour, Granoux arriva furieux. « Ah, vraiment » cria-t-il dans le seuil de la porte. « C'est intolérable. On est insulté à chaque pas. » Et s'adressant à Pierre, « Monsieur, quand on a un frère comme le vôtre, on en débarrasse la société. Je venais tranquillement par la place de la sous-préfecture, lorsque ce misérable, en passant à côté de moi, a murmuré quelques paroles au milieu desquelles j'ai parfaitement distingué le mot de vieux coquin. » Félicité pâlit et crut devoir présenter des excuses à Granoux. Mais le bonhomme ne voulait rien entendre. Il parlait de rentrer chez lui. Le marquis s'empressa d'arranger les choses. « C'est bien étonnant, dit-il, que ce malheureux vous ait appelé vieux coquin. Êtes-vous sûr que l'injure s'adressait à vous ?» Granoux devint perplexe. Il finit par convenir qu'Antoine avait bien pu murmurer Tu vas encore chez ce vieux coquin? » Monsieur de Carnavant se caressa le menton pour cacher le sourire qui montait, malgré lui, à ses lèvres. Rougon dit alors, avec le plus beau sang-froid, « Ah, je m'en doutais, c'est moi qui devais être le vieux coquin. Je suis heureux que le malentendu soit expliqué. Je vous en prie, messieurs, évitez l'homme dont il vient d'être question, et que je renie formellement. » Mais Félicité ne prenait pas aussi froidement les choses. Elle se rendait malade à chaque esclandre de Macquart. Pendant des nuits entières, elle se demandait ce que ces messieurs devaient penser. Quelques mois avant le coup d'État, les Rougon reçurent une lettre anonyme, 3 pages d'ignobles injures, au milieu desquelles on les menaçait, si jamais leur parti triomphait, de publier dans un journal l'histoire scandaleuse des anciennes amours d'Adélaïde et du vol dont Pierre s'était rendu coupable en faisant signer un reçu de 50 000 francs à sa mère, rendue idiote par la débauche. Cette lettre fut un coup de massue pour Rougon lui-même. Félicité ne put s'empêcher de reprocher à son mari sa honteuse et sale famille, car les époux ne doutèrent pas un instant que la lettre fût l'œuvre d'Antoine. « Il faudra, dit Pierre d'un air sombre, nous débarrasser à tout prix de cette canaille. Il est par trop gênant. » Cependant, Macquart, reprenant son ancienne tactique, cherchait des complices contre les Rougon, dans la famille même. Il avait d'abord compté sur Aristide en lisant ses terribles articles de l'Indépendant. Mais le jeune homme, bien qu'aveuglé par ses rages jalouses, n'était point assez sot pour faire cause commune avec un homme tel que son oncle. Il ne prit même pas la peine de le ménager et le tint toujours à distance, ce qui le fit traiter de suspect par Antoine. Dans les estaminets où régnait ce dernier, on alla jusqu'à dire que le journaliste était un agent provocateur. Battu de ce côté, Macquart n'avait plus qu'à sonder les enfants de sa sœur Ursule. Ursule était morte en 1839, réalisant ainsi la sinistre prophétie de son frère. Les névroses de sa mère s'étaient changées chez elle en une phtisie lente qu'il avait peu à peu consumée. Elle laissait 3 enfants, une fille de 18 ans, Hélène, mariée à un employé, et 2 garçons, le fils aîné, François, jeune homme de 23 ans, et le dernier venu, pauvre créature, à peine âgée de 6 ans, qui se nommait Silvère. La mort de sa femme, qu'il adorait, fut pour Mouret un coup de foudre. Il se traîna une année, ne s'occupant plus de ses affaires, perdant l'argent qu'il avait amassé. Puis, un matin, on le trouva pendu dans un cabinet où étaient encore accrochées les robes d'Ursule. Son fils aîné, auquel il avait pu faire donner une bonne instruction commerciale, entra à titre de commis chez son oncle Rougon, où il remplaça Aristide qui venait de quitter la maison. Rougon, malgré sa haine profonde pour les Macquart, accueillit très volontiers son neveu, qu'il savait laborieux et sobre. Il sentait le besoin d'un garçon dévoué qui l'aidât à relever ses affaires. D'ailleurs, pendant la prospérité des Mouret, il avait éprouvé une grande estime pour ce ménage qui gagnait de l'argent, et du coup il s'était raccommodé avec sa sœur. Peut-être aussi voulait-il, en acceptant François comme employé, lui offrir une compensation. Il avait dépouillé la mère, il s'évitait tout remords en donnant du travail au fils. Les fripons ont de ces calculs d'honnêteté. Ce fut pour lui une bonne affaire. Il trouva chez son neveu l'aide qu'il cherchait. Si, à cette époque, la maison Rougon ne fit pas fortune, on ne put en accuser ce garçon paisible et méticuleux qui semblait né pour passer sa vie derrière un comptoir d'épicier, entre une jarre d'huile et un paquet de morue sèche. Bien qu'il eût une grande ressemblance physique avec sa mère, il tenait de son père un cerveau étroit et juste, aimant d'instinct la vie réglée, les calculs certains du petit commerce. 3 mois après son entrée chez lui, Pierre, continuant son système de compensation, lui donna en mariage Marthe, sa fille cadette, dont il ne savait comment se débarrasser. Les 2 jeunes gens s'étaient aimés tout d'un coup, en quelques jours. Une circonstance singulière avait sans doute déterminé et grandi leur tendresse. Ils se ressemblaient étonnamment, d'une ressemblance étroite de frères et sœurs. François, par Ursule, avait le visage d'Adélaïde, l'aïeule. Le cas de Marthe était plus curieux. Elle était également tout le portrait d'Adélaïde, bien que Pierre Rougon n'eût aucun trait de sa mère nettement accusé. La ressemblance physique avait ici sauté par-dessus Pierre pour reparaître chez sa fille avec plus d'énergie. D'ailleurs, la fraternité des jeunes époux s'arrêtait au visage. Si l'on retrouvait dans François le digne fils du chapelier Mouret, rangée et un peu lourde de sang, Marthe avait l'effarement, le détraquement intérieur de sa grand-mère, dont elle était à distance l'étrange et exacte reproduction. Peut-être fût-ce à la fois leur ressemblance physique et leur dissemblance morale qui les jetèrent au bras l'un de l'autre. De 1840 à 1844, ils eurent 3 enfants. François resta chez son oncle jusqu'au jour où celui-ci se retira. Pierre voulait lui céder son fonds, mais le jeune homme savait à quoi s'en tenir sur les chances de fortune que le commerce présentait à Plassans. Il refusa et alla s'établir à Marseille avec ses quelques économies. Macquart dut vite renoncer à entraîner dans sa campagne contre les Rougon ce gros garçon laborieux qui traitait d'avare et de sournois par une rancune de fainéant. Mais il crut découvrir le complice qu'il cherchait dans le second fils de Mouret, Silvère, un enfant âgé de 15 ans. Lorsqu'on trouva Mouret pendu dans les jupes de sa femme, le petit Silvère n'allait pas même encore à l'école. Son frère aîné, ne sachant que faire de ce pauvre être, l'emmena avec lui chez son oncle. Celui-ci fit la grimace en voyant arriver l'enfant. Il n'entendait pas pousser ses compensations jusqu'à nourrir une bouche inutile. Silvère, que Félicité prit également en grippe, grandissait dans les larmes comme un malheureux abandonné, lorsque sa grand-mère, dans une des rares visites qu'elle faisait aux Rougon, eut pitié de lui et demanda à l'emmener. Pierre fut ravi. Il laissa partir l'enfant, sans même parler d'augmenter la faible pension qui servait à Adélaïde et qui désormais devait suffire pour 2. Adélaïde avait alors près de 75 ans. Vieillie dans une existence monacale, elle n'était plus la maigre et ardente fille qui courait jadis se jeter au cou du braconnier Macquart. Elle s'était roidie et figée au fond de sa masure de l'impasse Saint-Mitre, ce trou silencieux et morne où elle vivait absolument seule et dont elle ne sortait pas une fois par mois, se nourrissant de pommes de terre et de légumes secs. On eût dit, à la voir passer, une de ces vieilles religieuses aux blancheurs molles, à la démarche automatique, que le cloître a désintéressé de ce monde. Sa face blême, toujours correctement encadrée d'une coiffe blanche, était comme une face de mourante, un masque vague, apaisé, d'une indifférence suprême. L'habitude d'un long silence l'avait rendue muette. L'ombre de sa demeure, la vue continuelle des mêmes objets, avait éteint ses regards et donné à ses yeux une limpidité d'eau de source. C'était un renoncement absolu, une lente mort physique et morale, qui avait fait peu à peu de l'amoureuse détraquée une matrone grave. Quand ses yeux se fixaient machinalement, regardant sans voir, on apercevait par ses trous clairs et profonds un grand vide intérieur. Rien ne restait de ses anciennes ardeurs voluptueuses qu'un amollissement des chairs, un tremblement sénile des mains. Elle avait aimé avec une brutalité de louve, et de son pauvre être usé, assez décomposé déjà pour le cercueil, ne s'exhalait plus qu'une senteur fade de feuilles sèches. Étrange travail des nerfs, des âpres désirs qui s'étaient rongés eux-mêmes dans une impérieuse et involontaire chasteté. Ses besoins d'amour, après la mort de Macquart, cet homme nécessaire à sa vie, avaient brûlé en elle, la dévorant comme une fille cloîtrée, et sans qu'elle songeât un instant à les contenter. Une vie de honte l'aurait laissée peut-être moins lasse, moins hébétée, que cet inassouvissement achevant de se satisfaire par des ravages lents et secrets qui modifiaient son organisme. Parfois encore, dans cette morte, dans cette vieille femme blême qui paraissait n'avoir plus une goutte de sang, des crises nerveuses passaient, comme des courants électriques, qui la galvanisaient et lui rendaient pour une heure une vie atroce d'intensité. Elle demeurait sur son lit, rigide, les yeux ouverts, puis des hoquets la prenaient, et elle se débattait. Elle avait la force effrayante de ces folles hystériques qu'on est obligé d'attacher pour qu'elle ne se brise pas la tête contre les murs. Ce retour à ses anciennes ardeurs, ses brusques attaques secouaient d'une façon navrante son pauvre corps endolori. C'était comme toute sa jeunesse de passion chaude qui éclatait honteusement dans ses froideurs de sexagénaire. Quand elle se relevait, stupide, elle chancelait. Elle reparaissait si effarée que les commères du faubourg disaient « Elle a bu, la vieille folle !»